Vous êtes sur Web7 Radio, apprendre ou à débattre, présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous, il est 19h10 sur Web7 Radio. Avec 66% des voix, Emmanuel Macron a été élu président de la République ce dimanche. Un tel score pourrait s'apparenter à un plébiscite, à une très forte adhésion de la société à son projet, si la candidate en face ne s'appelait pas Marine Le Pen. En effet, selon un sondage réalisé par Ipsos Soprasteria, 43% des électeurs d'Emmanuel Macron dimanche ont voté en opposition à Marine Le Pen et 84% ont confié ne pas être en accord avec son programme. De plus, s'il a réuni la majorité des suffrages exprimés, moins d'un électeur inscrit sur deux a voté pour lui, compte tenu des forts taux d'abstention et de vote blanc. Mais surtout, cette campagne a été d'une rare violence jusqu'au bout avec le débat de l'entre-deux-tours et a révélé une division profonde de la société française. Le géographe Christophe Guilly avait pressenti cette fracture dans le Crépuscule de la France d'en haut, publié en septembre dernier, où il parlait, je cite, d'un retour d'une lutte des classes invisible et inconsciente. Alors il ne s'agit pas là d'affaiblir la légitimité du nouveau président de la République, mais simplement de montrer que son élection n'est pas le produit d'une adhésion à son programme, mais d'un nouveau clivage au sein de la société. Son élection n'est ni un oui à l'Europe libérale, ni un oui à la mondialisation, ni un oui au néolibéralisme. Ce n'est donc pas un blanc-seing des électeurs. La principale mission d'Emmanuel Macron pendant ces 5 ans sera donc de réconcilier la France et d'effacer cette fracture. C'est ce que nous pouvons espérer de mieux, nous, jeunes, pour notre société. Alors, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au 8e président de la République. Mais attention, après le temps des paroles, est venu celui des actes. Et les actes, ce soir, eh bien, nous allons les faire en parole, puisque nous poursuivons nos débats, puisque nous continuons à nous engager en prenant la parole. Et je salue les deux chroniqueurs qui sont là ce soir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Adrien. Bonsoir Théo. Bonsoir Adrien. Et puis bonsoir Arthur à la réalisation, comme toujours. Et oui, bonsoir Adrien, bonsoir à tous, toujours là. Arthur qui s'est remis de la grande soirée électorale oui, de la dimanche, c'était un peu chaud d'un point de vue technique. Tour, ouais. Alors pour le 92e numéro de Apprendre ou à débattre, nous allons nous intéresser au 3e tour de la présidentielle, les élections législatives. Nous recevons Nathan Burlon, candidat aux législatives dans la 13e circonscription de Paris pour Nouvelle Donne et Nouveau Souffle. Nous l'interrogerons sur son expérience, sur sa vision de la campagne présidentielle qui vient de s'achever. Puis dans le grand débat, nous analyserons et décrypterons les enjeux des élections législatives. Nous serons également par téléphone vers 19h40 avec Pierre-Yves Cadalen, candidat de la France Insoumise aux législatives sur la circonscription de Brest-Centre. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir en direct, participer à cette émission via les réseaux sociaux, via notre page Facebook, via Twitter et bien sûr via le chat de Web7 Radio sur, dans l'onglet participer sur www.web7radio.fr. Et je vous propose donc d'aller à la rencontre de notre invité. Notre invité. Présentation. Nathan Burlon, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es étudiant en histoire et sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu as 19 ans et surtout, tu es candidat aux législatives dans la 13e circonscription de Paris pour Nouvelle Donne et Nouveau Souffle, mouvement de jeunes qui, je le rappelle, se dit favorable à une société post-libérale, écologiste et progressiste. Alors, tout simplement, d'abord pour commencer, comment à 19 ans se lance-t-on dans une campagne aux législatives ? On se lance à 19 ans dans une campagne législative parce qu'on est convaincu de ses idées. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a un projet politique derrière, on se sent tout à fait légitime, comme n'importe quel autre candidat de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, voire plus, ce qui est très régulier dans la 5e République, et bien de se présenter devant le suffrage universel. Pourquoi il n'y en a pas plus des jeunes de ton âge qui s'engagent de cette façon ? Parce que pourtant, ils ont ouais, des idées. Bien sûr. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs variables explicatives. La première, qui est quand même fondamentale, c'est qu'au sein des partis politiques, donc des principaux partis politiques, pour se présenter, il faut avoir atteint une certaine légitimité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans des gros partis politiques comme le Parti Socialiste ou Les Républicains et maintenant En Marche, hein, parce qu'on peut les inclure dans la machine, ne sont pas à des postes tels qu'ils peuvent se permettre de se présenter. Ensuite, il y a une variable qui est quand même très importante, c'est que voilà, se présenter à 19 ans ou à 20 ans au suffrage universel, s'exposer en public, c'est prendre des risques, c'est accepter de recevoir des critiques. Et lorsque on peut être en période de maturation, et je le suis toujours, faut l'admettre, on n'a pas forcément le courage de s'exposer au public. Donc c'est... moi, mon choix, je l'ai pris en pesant les pour et les contre, et les pour dépassaient largement les contre. Dépassaient largement les contre. Ah, ouais. Donc il y a quand même des contre. Qu'est-ce qui est le plus dur dans une campagne aux législatives ? Je dirais que le plus dur, c'est c'est tout ce qui est l'administratif, donc remplir les papiers, aller à la préfecture, gérer les financements aussi, parce qu'une campagne ça coûte cher. Mmh. Ce qui est dur aussi, c'est gérer une équipe. Donc voilà, je suis entouré de personnes, parfois il y a des dissensions, parfois il y a des disputes. Il faut savoir faire preuve de management, comme on dit. Donc ça, c'est une difficulté considérable. Après, la motivation, l'envie de se lancer dans la campagne, chez moi, elle existe depuis beaucoup de temps, depuis déjà plusieurs mois. Donc j'ai pas de fatigue physique là qui commence pour l'instant. Ouais, pour le moment, ouais, pour le moment, Mathilde. Mais est-ce que vous pensez vraiment représenter les revendications et les idées de la majorité des jeunes d'aujourd'hui? Alors je ne m'érige pas comme un porte-parole des jeunes. Hein. Je me présente pas que devant des jeunes, donc je cherche à attirer des voix donc de gens qui sont pas forcément jeunes. Après, c'est vrai que je pense porter une partie des revendications de la jeunesse, notamment de gauche, hein, puisque je suis un candidat à Nouvelle Donne et Nouveau Souffle, donc de gauche. Donc voilà, je suis pas le poids de ma candidature, la portée de ma candidature n'est pas portée sur voilà, il faut représenter tous les jeunes. Non, moi je représente voilà un projet politique et lorsque je suis dans la rue et que je discute avec les électeurs, les gens ne me disent pas « Ah, vous représentez les jeunes ». Non, vous représentez des idées, vous représentez un projet. Donc c'est ça la légitimité politique de ma candidature. Ce n'est pas forcément que le fait d'être jeune. Oui, bon, Mathilde. Mais sachant que vous n'avez jamais expérimenté le monde du travail ou la vie d'adulte, ouais, comment vous expliquez aux électeurs que vous êtes légitime pour défendre leurs idées? Je pense que vous pouvez vous tutoyer, je suis précis. Oui, ok, ça marche. On se tutoie, okay. Non, mais vu, compte tenu de la différence d'âge, okay, je pense que... Donc... oui, donc alors le monde du travail, moi je le connais un peu parce que je suis serveur dans un bar, donc ça c'est aussi important de se doter d'une expérience professionnelle. Après, c'est vrai que j'ai pas de CDI, c'est vrai. Néanmoins, ma valeur ajoutée par rapport aux autres candidatures des seniors et des papis de la politique, c'est que bah forcément quand on est jeune, on a un regard neuf sur la société. Bon, ça déjà c'est important. Alors il y a ceux qui disent oui, mais les sages de la République, quand on a 60 ans, on a de l'expérience, etc. Moi je pense. Il faut regarder aujourd'hui la situation dans laquelle le pays est plongé. Bon, est-ce que les politiques au pouvoir actuellement ont un bilan qui soit positif? Moi, je ne le pense pas. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est grave et qu'il faut réagir. Donc, que des individus me disent « Oui, tu es trop jeune, donc tu manques d'expérience », moi, je leur réponds bah, « Regardez la situation dans laquelle on est ». Voilà, si la situation était rose, je ne serais peut-être pas candidat et je soutiendrais peut-être d'autres candidats. Voilà, donc à partir de ce constat-là, je m'estime tout légitime. Justement, on parle de la question de légitimité. Tout à l'heure, tu parlais des gens que tu rencontrais dans la rue, avec qui tu dialoguais. Quel regard ils portent sur toi par rapport au fait que tu es jeune, que tu n'as pas d'expérience politique? Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, ils en sont heureux ou est-ce qu'au contraire, ça les inquiète un peu? Honnêtement, c'est pas une variable très déterminante. Hein. Quand je rencontre les gens dans la rue, souvent on me fait la réflexion, ah, vous êtes jeune, c'est bien. Voilà, le premier truc, c'est vous êtes jeune, c'est bien, il faut des jeunes en politique. J'ai jamais eu, et pourtant j'en ai croisé pas mal, des gens qui m'ont dit, ah mais t'es trop jeune, tu devrais pas être candidat, retourne en cours, etc. Ce genre de remarques. J'en ai jamais eu. Je pense qu'aujourd'hui c'est bien vu. On voit bien que le succès, hein, même d'En Marche, il est aussi basé sur le renouvellement. Il y a un besoin de renouvellement de la politique. Les citoyens et citoyennes en ont marre de voir toujours les mêmes têtes. Mmh. Donc, lorsqu'il y a des candidatures qui sont, et je l'estime, originales, elles sont normalement plutôt bien accueillies par le public. Donc, je n'ai pas essuyé de critiques spécifiques sur mon âge. Mmh. Justement, tu parles de En Marche. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Est-ce que c'est vraiment un renouvellement? Est-ce que c'est un peu une mascarade aussi? Parce qu'on le voit avec les circonscriptions où, a priori, il ne devrait pas y avoir de candidats. Et on voit que certes, qu'il y a quand même 50% de candidats de la société civile, ce qui veut dire qu'il y en a aussi 50% de candidats, de professionnels de la politique. Donc concrètement, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? J'ai un accueil plutôt favorable En Marche, pour être honnête, parce que ils ont le mérite de faire bouger les choses. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu la candidature d'Emmanuel Macron, s'il n'y avait pas eu le succès d'Emmanuel Macron, il n'y aurait pas cette recomposition politique qui est effective à droite, à gauche et au centre, et qui, je pense, est positive. Après, sur le fond, donc sur la forme, moi j'approuve la démarche, qu'il y ait 54% de membres issus de la société civile qui soient candidats législatifs, c'est une très bonne chose. Il faut en effet déprofessionnaliser la politique, et pour cela il faut changer les règles, notamment sur le cumul des mandats, etc. Et j'ai beaucoup d'espoir en Emmanuel Macron sur ce point-là. Néanmoins, sur le fond du programme, j'ai des désaccords avec En Marche, notamment sur la ligne économique. Je pense que Emmanuel Macron est un hologramme de François Hollande. Hein, je dis pas ça négativement, mais voilà, c'est le sosie de François Hollande, et on va avoir droit pendant 5 ans à la même politique économique et sociale menée par François Hollande. Après, voilà, sur la forme, comme je l'ai dit, il y a des choses positives et je ne jette pas tout dans En Marche. Après, la vieille politique refait quand même pas mal surface. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il avait, il y a eu des tensions avec François Bayrou. Voilà, à voir un peu ce qui peut se passer par la suite. On va observer tout ça. On parle beaucoup de l'engagement des jeunes depuis le départ, et je vais te reposer une question que je t'avais posée dimanche soir, puisque tu étais invité de notre soirée présidentielle. Quelles sont les conditions pour être candidat aux législatives? Est-ce que si j'ai 18 ans, que j'ai envie de me lancer en politique, je peux être candidat? Alors là, c'est un peu tard pour se porter candidat aux législatives. C'est vrai. C'est encore possible, remarque, mais ça approche. Il faut se dépêcher. Il faut, donc, il n'y a pas de. À partir du moment où tu es électeur, tu es éligible. Ça, c'est un principe démocratique fondamental. Il n'existe plus la barrière d'âge de 21 ans qui était effective autrefois pour accéder à la députation. Donc tu peux en effet être candidat. Alors néanmoins, il y a plusieurs critères à respecter, notamment au niveau, il faut souvent se rattacher à un parti politique, donc pour du finance. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux te porter candidat en tant que candidature indépendante, sans étiquette, sans rien, vraiment indépendant, tu ne vas pas être, ta campagne ne va pas être refinancée, ne va pas être remboursée. Donc c'est un risque financier qui est quand même considérable. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, les candidatures s'inscrivent dans des partis politiques. Et c'est bien parce que les partis politiques concourent à la démocratie. Et je rappelle quand même que l'existence des partis politiques sont aujourd'hui beaucoup critiqués, d'un point de vue légitime, mais je pense qu'ils ont leur importance. C'est inscrit dans la Constitution de 1946, les partis politiques concourent à la liberté du suffrage. Donc il faut s'inscrire dans un parti politique, et à ce moment-là, rien ne t'empêche d'être électeur, d'être éligible. Pardon. Oui. Et si vous avez eu 23 ans, vous serez présenté à l'élection présidentielle? Vous voyez tout. Non mais j'ai l'habitude du coup, voilà, si tu avais 23 ans, est-ce que tu serais présenté à l'élection présidentielle? Pardon ? Si tu avais eu 23 ans, parce que je crois qu'il faut avoir 23 ans pour se présenter. Je ne crois pas. La présidentielle, maintenant, c'est 18 ans. Ah oui ? 18 ans. Oui. Ah, je pensais que c'était 23 ans. C'est que pour le Sénat, en fait, qu'il y a une limite d'âge, je crois qu'il va être 30 ans. Oui, il y a une limite d'âge pour le Sénat. Je pensais que c'était 23 ans. Non. Alors, pour te répondre, je n'aspire pas à la présidence de la République. Parce que, une clarification. Parce que je souhaite porter des revendications locales, de terrain, et c'était pas du tout un projet politique. Voilà. Justement, puisqu'on parle du terrain, pourquoi avoir choisi ça? Déjà, est-ce que tu as choisi cette circonscription, cette 13e circonscription de Paris? Et si oui, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi la 13e. Donc ça équivaut à la partie sud du 15e arrondissement. C'est important de le souligner, parce que tout le monde ne sait pas où se trouve la 13e circonscription de Paris. Oui, puisque ce n'est pas les mêmes découpages. Voilà, c'est ça, il faut faire attention. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cet arrondissement, Vincennes Cerco? Parce que, donc déjà, j'y ai vécu un an. Donc dans le cadre de mes études, je suis allé sur Paris pour m'installer dans un foyer pour étudiants. C'est là aussi que j'avais le plus de soutien. C'est-à-dire, voilà, ma suppléante, elle vient du 15e, elle est née dans le 15e. J'ai mon directeur de campagne est aussi du 15e. Bref, toute mon équipe, une grande majorité, vient du 15e arrondissement. Et d'un point de vue force locale, force électorale, c'était une circonscription qui me paraissait intéressante. Donc c'est à la fois lié à un ancrage local que j'ai, mais aussi parce que c'est un arrondissement qui me plaît et que c'est plaisant pour moi de travailler dans le 15e arrondissement. Arrondissement. Alors est-ce que tu es candidat pour une candidature qu'on pourrait appeler témoignage, c'est-à-dire pour faire vraiment entendre la voix de la jeunesse, ou est-ce que c'est vraiment pour se faire élire à la fin? À partir du moment où on est candidat à une élection, là je vais reprendre le vocable des petits candidats à la présidentielle, mais à partir du moment où on est candidat, on est candidat pour être élu. Hein. Donc aujourd'hui, si je suis candidat, c'est pour être élu. Il n'y avait rien. Non, mais je prends pas mal. Donc je suis candidat pour être élu. C'est-à-dire que si demain. Certains, par exemple Philippe Poutou, répondaient: moi je veux pas être élu. Moi je veux être élu. Enfin, c'est-à-dire que si demain j'accède au second tour et que je suis élu, j'en serais très heureux et j'assumerais avec bienveillance cette tâche. Après, je ne fais pas miroiter ce qui n'est pas possible. Quand on se lance, c'est compliqué de faire une percée électorale parce que le système est bien verrouillé. Donc. J'ai un objectif, le faire le plus de voix possible. Voilà. Et pour dans 5 ans, éventuellement, et recommencer. Avoir déjà cette expérience. Évidemment, oui. Et puis c'est un gain qui est quand même. C'est un gain au niveau de l'expérience. Hein. C'est quand même très enrichissant de se porter candidat. Et j'incite tous les jeunes qui nous écoutent à s'investir en politique. Parce que c'est un gain personnel considérable. Et alors, justement, si jamais tu étais élu, quelle serait ta première action en tant que député pour la circonscription? Alors pour la circonscription au niveau national, parce que c'est pas une élection locale, donc c'est tout se fait à l'Assemblée. Ma première action, je pense, ce serait de demander à rejoindre la Commission nationale sur l'emploi. Voilà, parce que tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a des commissions et les députés peuvent rejoindre les commissions. C'est d'ailleurs au sein des commissions que la majeure partie du travail parlementaire s'effectue. Donc j'aimerais bien rejoindre la commission emploi, parce que c'est sur l'emploi qui est basé principalement le programme de Nouvelle Donne. Ouais. Et c'est un thème qui m'est vraiment cher. Alors justement, comment ça s'est passé pour devenir candidat pour Nouvelle Donne et Nouveau Souffle? Est-ce qu'il y a eu une commission d'investiture? Comment c'est une commission d'investiture? Alors, c'est une élection? Il y a plusieurs leviers. À Nouveau Souffle, donc le mouvement de jeunes qui a été créé en novembre 2016. On s'est réunis au sein d'une assemblée générale et les candidats ont été désignés au sein de cette assemblée. Concernant Nouvelle Donne, il faut savoir que je suis au bureau national de Nouvelle Donne depuis le mois de février. Donc forcément, dans les discussions entre membres du bureau, la question des candidatures s'est posée et ma candidature a été validée au niveau national. Donc oui, il y a une commission d'investiture qui s'est réunie, qui a statué sur ma candidature. Donc voilà, Comme dans tout parti politique. Combien de candidats présents de Nouvelle Donne ? Alors, une centaine de candidats présents de Nouvelle Donne, qui ne font pas tous forcément campagne, mais voilà, une centaine de présents. On a surtout des partenariats avec les forces locales, par exemple, les indépendantistes en Corse, ils veulent se présenter, eh bien, ils se sont allés vers nous, comme ça, on a un accord politique qui permet d'avoir des règles concernant le financement, etc. Donc on a des alliances un peu partout. Des alliances, oui. Voilà. Et comment est-ce que vous faites, est-ce que tu fais campagne concrètement tous les jours en même temps que tes études ? Alors, j'ai terminé mes études, là, donc je suis à fond, à 100% dans le truc. Comment est-ce que je vais faire campagne ? Donc voilà, on a reçu les tracts ce matin. Dès demain, on va commencer à tracter sur le terrain, dans les marchés, aller à la rencontre des gens. Et avant, notre première initiative, c'était la boîte à idées, c'est-à-dire qu'on allait voir les citoyens du 15e, les citoyennes, et on leur disait, écoutez, quelles sont les préoccupations qui vous sont chères ? Voilà, si votre député demain, qu'est-ce que vous voulez qu'il porte à l'Assemblée nationale ? Et on a eu des thèmes très intéressants. Qu'est-ce qui ressurgissait le plus ? Alors, la santé. Curieusement, oui, je pensais que ça allait être l'emploi. Donc la santé est ressortie et l'environnement précédé de l'emploi. Suivi de l'emploi, pardon. Donc ce sont ces trois thèmes fondamentaux qui sont sortis et ces trois thèmes font partie des cinq thèmes que je mets vraiment en avant dans ma campagne parce que la légitimité fait que les citoyens ont avancé que c'était ces thèmes-là qu'ils souhaitaient voir porter dans la campagne, donc nous porterons ces thèmes-là au cœur de notre campagne. Merci Nathan, on va continuer justement à en parler ensemble de toutes ces enjeux des élections législatives. Et il y a beaucoup de suspense, donc on aura de quoi dire. Mais avant, on va se laisser notre première pause musicale, Arthur. Oui. Alors, qu'est-ce qui est au programme ? Eh ben, retour dans les années 90 ce soir. Après, Arthur adore les années 90. Non, j'aime bien les années 90. J'ai remarqué. Mais oui, parce que j'ai ma petite playlist depuis quelques temps. voilà. Donc Gala, Freed from Desire. On se retrouve tout de suite après sur cette radio. C'est une bonne référence. À tout de suite. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Want more and more people. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. J'ai arpenté les rues sans savoir où aller. Je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné. Nuit blanche et idées noires, difficile de rêver. Famille divisée, mais dis-moi sur qui compter. Maman pleurait, se cache pour ne pas nous alerter. Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer. J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé. Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé. Non je ne l'ai pas volé. Et le temps passe, rien ne s'efface. Tu as ta place auprès de moi. Devant cette glace, je me lasse. Sans ton visage, tu n'es plus là. Je voulais juste avancer. De temps, j'ai rien vu arriver. Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer, j'ai pris les devants sans dire que je vous en voulais. Sans bruit en partant, j'ai laissé quelques regrets. J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait. Très peu de souvenirs, juste quelques portraits. Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé. Et aujourd'hui, ce que j'ai, non, je ne l'ai pas volé. Non, je ne l'ai pas volé. Et le temps passe, rien ne s'efface. Tu as ta place auprès de moi. Devant cette glace, je me lasse. Sans ton visage, tu n'es plus là. Je voulais juste avancer. Je ne suis pas loin dans vos cœurs. J'ai laissé des bouts de nous et des chagrins. Quelques larmes versées. Et les saisons défilent. Et nos avenirs se dessinent. Et il faudrait qu'on se décide. Au lieu de ça, on esquive. Je voulais juste avancer. Bed. Il est 19h34 sur Web7 Radio et on se retrouve pour la suite du 92e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons Nathan Burlon, candidat aux législatives pour Nouvelle Donne et Nouveau Souffle. Et d'un instant d'un instant à l'autre, nous serons en ligne avec Pierre-Yves Cadalen, candidat pour la France Insoumise. La présidentielle est désormais derrière nous, mais certains diront qu'il reste encore le plus important, le troisième tour de cette élection, c'est-à-dire les élections législatives. C'est elles qui détermineront si le nouveau président de la République pourra mettre en œuvre son projet. Nous vous proposons ce soir d'analyser, de décrypter les enjeux des élections législatives. Pierre-Yves Cadalen est en direct avec nous d'un instant à l'autre. C'est notre grand débat. Jingle. Le grand débat, l'heure de vérité. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela, ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. Dès dimanche, dans son discours de victoire, Emmanuel Macron n'a pas oublié de mentionner l'échéance absolument décisive qui se profile pour les 10 et 17 juin prochains, les élections législatives. Face à l'affaiblissement des partis politiques traditionnels, à la montée du Front National et à la présence nouvelle des candidats de La République En Marche, ces élections semblent particulièrement incertaines. Nous en débattons ce soir avec un jeune candidat à cette élection, Nathan Burlon, mais également avec Pierre-Yves Cadalen, candidat pour la France Insoumise à Brest. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment se passe la campagne ? Eh bien, c'est très bien. Ce qui est important à noter, c'est que Grisuit ne s'est pas arrêté loin de là le soir du premier tour. Et au contraire, beaucoup de nos électeurs et de nos militants souhaite porter notre projet en juin à l'Assemblée nationale et espère que nous puissions gouverner le pays, car il est important de noter que On a un petit problème de liaison. Je crois que vous êtes dans le train. Est-ce que vous nous entendez mieux? Bon, on essaiera de se rejoindre, de se reprendre tout à l'heure. Pierre-Yves Cadalen qui était au téléphone, on l'a quand même entendu préciser que voilà, c'était important pour lui de mentionner que la France insoumise continuait, que ça ne s'arrêtait pas avec les élections présidentielles. On réessayera peut-être un peu plus tard, d'ici une dizaine de minutes, pour voir. Bon, avant de continuer à parler avec Nathan Burlon, je voulais demander à Mathilde, est-ce que pour toi, tu considères que ces élections législatives sont plus importantes que les élections présidentielles ? Bah, dans ce cas-là, des élections 2017, je pense que oui, parce que la victoire de Macron a été une première étape et elle ne sera validée que par les élections législatives. Donc je pense que c'est qu'une deuxième étape, mais tout aussi importante que la première. Nathan, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que... Quelle est ton opinion sur la question ? Institutionnellement, les élections législatives sont l'élection centrale de la 5e République, parce que la 5e République est un régime parlementaire, il est bon de le rappeler. Néanmoins, le poids du système politique et de ce qu'une très bonne professeure de droit public, Marianne Cohen-Day, appelait le système de variables déterminantes, fait que l'élection présidentielle a pris des proportions immenses en France, et que sur toute la décennie donc de 62 à aujourd'hui, l'élection présidentielle influençait énormément l'élection législative. Et là, c'est vrai qu'on a une sorte de retour aux sources, aux racines de la 5e République. Personnellement, ça me fait beaucoup plaisir parce que j'apprécie le parlementarisme qui fait que les élections législatives sont prédominantes. Il faut savoir que si au lendemain de ces élections législatives, vous avez une majorité hostile à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron ne gouvernera pas la France. C'est important de se le dire. Et souvent dans les médias, en élection présidentielle, alors ça fait doucement rire, mais quand on entend comment est-ce que vous allez gouverner la France. Non, le président de la République ne gouverne pas la France. Oui. Il préside. C'est quelque chose de très différent. Il est censé être au-dessus de la mêlée, le président de la République. Un enjeu déterminant. Alors, ces élections présidentielles, elles ont été marquées par l'essor de partis politiques et de candidats hors système, finalement, ou en tout cas qui se qualifient hors du système, et en tout cas qui rompent avec les partis politiques traditionnels. Est-ce que les élections législatives ne risquent-elles pas, elles, de marquer le retour des partis politiques traditionnels, étant donné que souvent, pour les législatives, on a tendance à plus voter sur les étiquettes que sur les hommes, alors que c'est souvent un petit peu l'inverse au présidentiel? Écoutez, je vais pas me faire non plus le grand défenseur des partis politiques, mais c'est important de se dire que voilà, les partis politiques structurent l'opinion publique en France, et qu'il ne peut être que positif de se dire que l'Assemblée nationale, qui va donc être composée après le 18 juin, va représenter l'ensemble des aspirations des Français. Parce que souvent, on a une image, je trouve, un peu fausse de la démocratie en France. On élit un président avec souvent une courte majorité, donc là c'était une large majorité, mais il y a quand même eu un grand nombre d'abstentionnistes, etc. Oui. Et si vous faites le calcul total avec l'abstention, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et ceux qui ont fait des votes nuls, il n'a pas la majorité absolue. C'est ce que je disais tout à l'heure, Celui qui, donc l'institution qui représente le plus la diversité des opinions à France, ou plutôt celle qui représente le plus, c'est l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'elle la représente vraiment, étant donné qu'il n'y a pas de proportionnel? Elle représente bien mieux que le président de la République, parce que 577 députés représentent mieux les opinions politiques de la France qu'un seul homme. Ça, c'est fondamental. Et on en a tendance à l'oublier sur la 5e République. Après, je suis favorable à l'instauration d'une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale, parce qu'en effet, il y a un problème de pluralisme. Je suis désolé. Lorsqu'on voit que sous cette législature, donc là, qui va bientôt s'achever dans un mois, lorsqu'on voit qu'il n'y a que 4 députés Front National, c'est un problème. Parce que ce n'est pas représentatif. Évidemment. Et ça sert le discours anti-système. Donc il faut que le système s'adapte aux aspirations populaires. Justement, on parle des méthodes qu'il y aurait pour rendre plus représentative cette Assemblée nationale. Il y a l'idée de la proportionnelle, il y a l'idée du tirage au sort également. Est-ce que tu y es? Alors, le tirage au sort pour la Chambre basse, je ne suis pas favorable. Néanmoins, je défends le programme Nouvelle Donne de Moussouf, le tirage au sort d'une partie du Sénat. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le Sénat est une institution vieille, sclérosée, souvent décriée par les citoyens, qui en appellent souvent à sa suppression, alors que le Sénat fait un travail législatif plutôt correct. Donc, pour dépoussiérer un peu les institutions, je propose le tirage au sort d'une partie du Sénat. Une partie du Sénat. Après, l'Assemblée nationale, mettre une dose de proportionnel serait une bonne idée, en effet. On va revenir aussi. Là, on a parlé des propositions. On va revenir à ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu politique. Et il y a la question des programmes, bien évidemment. On a vu que la campagne présidentielle a été presque parfois engloutie. Il n'y a presque quasiment pas eu de campagne présidentielle en raison notamment des affaires. Là, pour les législatives, il semble qu'on va être obligé de revenir à des débats de fond, à des programmes de fond. On parlait tout à l'heure des thèmes que tu proposais dans ta circonscription. Au niveau national, à ton avis, quels sont les thèmes, les grandes lignes qui vont faire la différence de ces élections ? J'aimerais que trois thèmes fassent la différence. Le premier thème, c'est le thème de l'emploi, qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on a un nombre de chômeurs qui explose, qui est très très fort, et j'ai trouvé que le thème de l'emploi était délaissé durant la campagne présidentielle. Donc il ne faut pas oublier que l'emploi crée de la misère sociale, le chômage crée de la misère sociale, et aujourd'hui le chômage tue en France, voilà, il tue à petit feu. Parce que c'est vrai que par exemple on a parlé du revenu universel de Benoît Hamon, mais le revenu universel c'est dans le cas où on n'a pas d'emploi, donc c'est vrai que la question de l'emploi j'ai toujours été un peu mal à l'aise à ce revenu universel, parce que trouvons de l'emploi. Parce que l'emploi sert à s'épanouir. L'emploi est facteur d'épanouissement social. Donc trouvons un emploi à chaque Français. Donc l'emploi, c'est une variable qui est déterminante et qui, je trouve, a été trop délaissée durant cette campagne. Et les deux autres piliers qui sont fondamentaux, c'est l'écologie, l'environnement, la question environnementale, qui concerne notre avenir et qui doivent constituer la priorité du quinquennat. Qui a également été très peu évoqué. Voilà, avec les institutions. Voilà, la question du renouvellement démocratique, comment combler le fossé qui sépare les Français de la politique. Et ce sont, selon moi, les trois enjeux majeurs qui attendent le président de la République. Et son Premier ministre. Oui, mais est-ce qu'une des priorités des législatives serait pas de privilégier la diversité à l'Assemblée nationale ? Est-ce que quand on voit qu'il n'y a que trois ouvriers, je crois, aux représentants de cette classe sociale, alors que ça représente quand même une bonne partie de la population française, est-ce que ça ne serait pas une des priorités ? Ah, c'est un problème, je pense. Alors, je ne suis pas corporatiste, mais lorsque vous n'avez que 3% d'ouvriers à l'Assemblée nationale ou très peu d'agriculteurs, ça pose un problème de légitimité démocratique, parce que l'Assemblée nationale est censée représenter le corps électoral. Bon, si vous avez 80% de cadres et professions intellectuelles supérieures, il y a un problème. Donc oui, en effet, il faut plus de représentation, de représentativité démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, malheureusement, on ne peut pas vraiment le faire par des lois. Et c'est plus un travail qui doit être fait au niveau des partis politiques. Et à ce titre, je pense qu'il faut souligner, mais pendant longtemps, le Parti communiste a été un grand exemple dans ce domaine, puisque beaucoup d'ouvriers, les seuls d'ailleurs ouvriers qui étaient à l'Assemblée nationale sous les précédentes législatures, étaient des ouvriers. Donc ça, c'est fondamental. Et en effet, une variable qui explique le fossé aujourd'hui et la défiance qu'il y a entre les Français et la politique, c'est le fait que les Français ne se sentent plus représentés. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce que les Français pourraient se sentir représentés ? Je pense que c'est par des vœux de responsabilité, c'est-à-dire de dire, voilà, il faut tel quota de femmes, tel quota d'ouvriers, tel quota d'agriculteurs. Malheureusement, ce genre de mesures, ça rompt la doxa qui est présente dans les partis politiques. Et alors, en quoi, toi, tu apporterais une vision différente et innovante ? Bah écoutez, moi, je m'estime représentatif d'une partie de la population française, parce que je suis jeune, et aujourd'hui, la jeunesse est délaissée à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que le fait d'être jeune est un argument en soi ? Alors non, c'est pas un argument politique. Ça, je l'ai bien souligné tout à l'heure. Je ne dis pas voter pour moi parce que je suis jeune, d'accord ? Mais je dis, si je suis élu, comme je suis jeune, l'Assemblée sera plus représentative de la composition socio-professionnelle des Français. Est-ce que tu es favorable à l'idée d'instaurer un âge maximum pour être parlementaire ? À un moment, ça avait été débattu. Alors, c'est une question très tendue, parce que ça pose vraiment un enjeu démocratique, un dilemme démocratique. C'est-à-dire que si vous avez 75 ans, que vous êtes très populaire dans votre ville, enfin dans votre circonscription, ça veut dire que vous ne pourriez pas être candidat. Plutôt que d'interdire, je préfère limiter le cumul dans le temps. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait 2-3 mandats de député, vous ne pouvez pas vous représenter à la législature. Voilà, c'est une règle simple. Il faut qu'elle soit appliquée. Et une fois qu'elle sera appliquée, vous aurez un renouvellement régulier à l'Assemblée nationale, et vous aurez plus des sages d'assaut qui régneront. Oui, c'est une des propositions que défend, il me semble, En Marche, en tout cas, qui a bien sûr, j'en suis très très satisfait, parce que du côté de la question du renouvellement politique, En Marche est le meilleur parti politique français. Alors, avec toutes les forces politiques qui s'affrontent, il y en a un nombre important finalement qui peuvent prétendre avoir de nombreux députés. Est-ce qu'on peut envisager le cas qu'il n'y ait pas de majorité, que personne n'ait de majorité à l'Assemblée nationale, et que l'on soit forcé de faire des coalitions ? Alors, les majorités à l'Assemblée nationale, elles se forment après les élections en général. Hein, parce que même la majorité de cette année, la majorité socialiste, ils n'avaient pas. Voilà, des colos, les socialistes à eux seuls, les radicaux, pas la majorité, une partie du front de gauche, etc. Donc ça se formera après. Moi, mon pronostic personnel, c'est qu'en effet, il n'y ait pas de majorité claire au lendemain des élections législatives. Mais la force d'En Marche, c'est qu'ils sont capables de composer tant avec l'aile gauche des Républicains que l'aile droite du Parti Socialiste. Donc je pense que vous aurez un méli-mélo des partis du PS et des éventuels partis des Républicains afin d'avoir une majorité parlementaire. Mais légalement possible, il ne faut pas écarter l'hypothèse, parce que la droite se met plutôt bien en ordre de bataille, je trouve, parce que les défections du côté du Parti Socialiste sont très nombreuses, mais du côté de la droite, vous en avez plutôt peu. Bah, il est possible que la droite ait une majorité parlementaire et que vous ayez donc un Premier ministre républicain au pouvoir en 2017. C'est la première solution qui se réalise, c'est-à-dire que Emmanuel Macron forme une majorité avec les députés En Marche, puis avec quelques députés de droite et quelques députés de gauche. Est-ce que ça ne va pas faire qu'il sera dans une situation absolument instable, c'est-à-dire dépendant du bon vouloir d'un coup de la droite, un coup de la gauche? La ligne politique d'Emmanuel Macron n'est pas claire. Et c'est un danger, parce que du coup, il est très influençable selon les élections législatives. Il va devoir jouer à une sorte... comme Hollande, en fait, hein, l'art de la synthèse. Mmh. Voilà, donc, comme je vous le disais... Sauf que Hollande n'avait pas été élu sur un programme de synthèse. C'est la différence notable, et c'est notamment ce qu'on lui reproche beaucoup. Donc oui, Emmanuel Macron, il va être sur un fil durant ce quinquennat, parce qu'il va devoir présider avec un Premier ministre issu d'une majorité plurielle, ce qui va supposer des arrangements politiques. Et finalement, je pense que un des bons points de cette élection, c'est que ça va recentrer le débat politique sur l'Assemblée nationale, ce qui n'est que positif pour la démocratie. Oui, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte de l'importance de l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner, parce que c'est vrai que sur les 10-15 dernières années, bon, c'était presque quelque chose d'acquis à chaque fois, l'Assemblée nationale. Alors, il y a un parti dont on n'a pas encore parlé, c'est le Front National, qui a atteint quand même 33% des voix au 33 et quelques au second tour, ce qui est considérable. Est-ce que là, à ces élections législatives, clairement, le Front National joue sa survie? C'est-à-dire que on voit qu'il commence déjà, on a vu le départ de Marion Maréchal Le Pen, on a vu qu'il commençait à avoir des dissensions au sein du parti. Est-ce que là, c'est pour le Front National, c'est déterminant? Je pense que c'est déterminant pour la sphère politique en général. Il va y avoir une grosse recomposition. Il est possible que le Front National se divise en deux et qu'en fait, il y ait un nouveau parti à droite donc, qui se crée, à la droite des Républicains et à la gauche du Front National, sous le nom des Patriotes, etc. Oui, le Front National joue gros, déjà au niveau des financements, parce qu'avoir des députés à l'Assemblée nationale, ça change beaucoup de choses d'un point de vue sous, et le Front National a besoin de sous. Je pense que l'Assemblée nationale aura plus de députés qu'en 2012, mais vous n'aurez pas une vague bleu marine, comme vous n'aurez pas une vague d'insoumis. Jean-Luc Mélenchon je trouve un peu sur un nuage en ce moment. Il faut savoir, et d'ailleurs je trouve que c'est le flop de la semaine, c'est que il n'y a pas d'union de la gauche pour les législatives, en tout cas hors parti socialiste, et vous n'aurez pas une arrivée massive de députés Front National. Néanmoins, vous en aurez plus, et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Après, d'un point de vue politique, évidemment, je suis opposé au Front National, et je pense que si aujourd'hui le Front National est aussi haut, c'est à cause des politiques économiques qui sont menées depuis 30 ans et qu'Emmanuel Macron va sans doute aucun doute poursuivre. Donc je pense que le Front National sera plus haut qu'il n'est qu'aujourd'hui en 2022. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'entendais hier une analyse justement d'Emmanuel Macron dans l'émission qui était diffusée sur France 2, où il disait dans 5 ans le Front National sera encore plus dangereux parce qu'il aura entrepris toute sa mue et on aura probablement une forme encore plus dédiabolisée du Front National, qui aura en plus l'expérience déjà du second tour, l'expérience récente du second tour. Donc c'est vrai que beaucoup disent qu'en 2022 le Front National sera plus dangereux que jamais. Emmanuel Macron a une responsabilité historique, et on espère tous qu'il s'en rend compte. Si ce quinquennat échoue, le Front National pourra accéder au pouvoir en 2022, en effet. Et il aura en effet recomposé sa mue, il aura affiché une nouvelle vitrine, et pour de nombreux Français, il apparaîtra comme plus respectable. Et le Front Républicain, qui était aujourd'hui très très faible en mai 2017, n'existera peut-être pas en 2022. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, qu'il y ait un nombre important de ralliements et qu'il y ait une forme d'axe souverainiste, en fait, un axe de Pontaignan, Front National, droite des Républicains. Peut-être c'est possible. Quelques personnalités de gauche. Avec Morano, etc. Mais oui, c'est possible. Et bien, on va suivre tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. On se laisse notre seconde pause musicale. Puis ensuite, ce sera la phrase de la semaine par Théo ce soir. Oui. et puis les top, et, puis et, les top flops. Et les flops comme voilà. Chaque semaine. Et oui. Alors pour cette deuxième pause musicale tout dehors, c'est la proposition de Mathilde. Non, c'est la mienne toujours. Pas. Et pourquoi? Mais pourquoi parce que si tu veux savoir, celle de Mathilde, on l'a passée il y a 2 semaines déjà comme musique. Donc on va peut-être pas la refaire une fois dans l'émission. Donc moi ce que je vous propose, c'est Bad Decision de Tudor Cinema Club. Et on se retrouve tout de suite après sur Upset Radio pour la suite d'Apprendre à débattre. Allez, à tout de suite. Il est 19h55 sur Web7 Radio et on se retrouve pour la fin du 92e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons Nathan Burlon, candidat aux législatives pour Nouvelle Donne et Nouveau Souffle. Mais tout de suite, c'est la phrase de la semaine. La phrase de la semaine, les mots qu'on retient. Et Théo, pour la phrase de la semaine, une phrase qui a marqué l'actualité. Une phrase qui a marqué l'actualité, bah évidemment, dimanche dernier, l'élection d'Emmanuel Macron. Donc c'était pas trop dur cette semaine, la phrase de la semaine. C'était une phrase de son discours. Oui. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France. Donc c'est la dernière phrase du discours, donc, d'Emmanuel Macron qu'il a prononcé au Louvre. Il était fraîchement élu deux heures auparavant. C'est donc le 8e président de cette 5e République, le plus jeune, à seulement 39 ans. Donc c'est totalement inédit car c'est un mouvement en marche créé il y a seulement un peu plus d'un an et il est donc maintenant au pouvoir, en attendant évidemment les législatives dans un mois et demi. Donc à travers ce discours, il fait une véritable déclaration d'amour à ses militants et également au reste de la France. Il désire une véritable unité nationale et donc à seulement 39 ans, encore une fois, il a une énorme tâche devant lui et en espérant véritablement qu'il fasse un très bon travail pendant ces 5 prochaines années. Merci Théo pour cette phrase de la semaine justement. Mais on va voir ce qui se passe pendant ces 5 prochaines années. Et bien Arthur, c'est les tops et les flops pour terminer la semaine. Et maintenant, les tops et les flops. Un top, un flop, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu dans l'actualité. On peut parler absolument de tout. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, c'est Arthur qui va commencer ce soir. Eh bah si tu veux, bah voilà. Et bah moi j'ai un top et un flop ce soir, donc pour cette reprise. Mon flop, c'est Ebola, qui l'épidémie reprend et fait 3 morts en République démocratique du Congo. Voilà, donc 3 personnes ont succombé à la maladie depuis le 22 avril. Bah voilà, donc ça recommence. C'est l'OMS qui nous annonce ça. Et mon top, moi, c'est Microsoft qui commence à se lancer dans la réalité virtuelle avec Acer et surtout dans l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer, leur système Cortana sous Windows 10, ils sont en train de le développer de plus en plus. Merci de cette info précise, voilà. Arthur, pour, si vous avez besoin de conseils numériques, c'est n'hésitez ça, pas appelez-moi. À joindre notre réalisateur. Mathilde. Alors moi mon flop, c'est Trump qui a limogé le directeur du FBI, James Comey, parce qu'il avait fait une enquête sur l'implication de la Russie dans sa campagne. Je trouve que c'était une honte et une atteinte. Bon, ça, on ne sait pas encore. Hein. C'est oui, ce qu'on suppose en effet. Comme ça, voilà, quand on aura plus de précision. Ça, oui. Voilà. Et mon mais top. On n'est pas certain. Et mon top, c'est l'élection d'Emmanuel Macron dimanche dernier. Théo. Moi, j'ai à peu près le même. J'ai quand même à peu près le même top que Mathilde. Vu que moi, ça fait barrage au Front National et. À toi, c'est par barrage. Non, c'est pas par barrage, mais c'est également pour certaines. C'est sémantique est différent. Pour certaines de ses idées également, je trouve de toute façon, c'est. Pour moi, c'était le meilleur président qu'on puisse avoir parmi ces candidats. Parmi ceux qui étaient. De toute façon, Théo, t'es chez Mélenchon. Moi, j'étais chez Mélenchon au premier tour, mais c'est juste. Non, c'est par intérêt pour le personnage et vraiment, j'ai beaucoup apprécié, même si je ne soutenais pas vraiment ses idées. Et mon flop, c'est assez rare. On va. Du sport et de la politique. Ah. C'est assez rare. Et donc, c'est le président du club de Toulon de rugby, Mourad Boudjelal, qui a été investi pour l'initiative candidat pour en marche, ce qui est assez bizarre. Donc, c'est un peu une petite erreur de la part de ce mouvement, mais bon, on peut leur pardonner. On verra si on peut leur pardonner dans 5 ans. Nathan. Alors, mon top, c'est le lancement de Dès Demain. C'est le mouvement politique qu'a lancé, enfin, le mouvement. Le centre de réflexion qu'a lancé Hidalgo, Taubira et une autre personne. Donc ça, c'est un bon signal pour la construction de la gauche qui doit s'opérer hors des partis politiques pour espérer créer une opposition constructive. Est-ce que ça n'a pas divisé entre plein de mouvements différents? Benoît Hamon aussi va. Moi, je pense que le PS... y a-t-il un parti politique à gauche en mesure de rassembler? Je ne le pense pas. Ni la France Insoumise qui est trop clivante, ni le Parti Socialiste qui est mort. Donc il faut d'autres mouvements et j'applaudis cette initiative et je me suis inscrit à la newsletter parce que je suivrai ça avec beaucoup d'attention. Et puis le flop, bon, on l'a dit. Le flop c'était quoi déjà? Qu'est-ce que c'était? On l'a dit. L'absence du nom de la gauche pour l'initiative. Oui, c'est ça. Et notamment l'attitude de Mélenchon vis-à-vis du PC et des écologistes. Parce que les écolos et le PC ont tendu la main à la France Insoumise et Mélenchon. Et je pense sur un nuage, je pense qu'il va avoir un nuage de députés insoumis à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il se trompe, il connaît mal le système de la Ve République. Et c'est surtout autour de sa personne qu'il a fait des. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il a fait un tel score à la présidentielle, c'est grâce à sa personne et pas grâce à. Je pense que c'est un stratège politique, donc il n'est pas naïf, mais lorsqu'il dit les gens. Les 17,6 millions de personnes qui ont voté pour moi restent groupées. Non. Il y a plein de citoyens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui ne voudront pas revoter pour lui au législatif parce qu'il y a des projets politiques qui sont plus cohérents, qui sont plus intéressants, qui sont plus proches de leurs convictions. Donc si Jean-Luc Mélenchon veut fédérer la gauche, qu'il fédère les partis politiques qui aujourd'hui à gauche reflètent la diversité des opinions. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que il met un stop aux écologistes, pourquoi est-ce qu'il met un stop aux communistes. Ils ont un point politique qui est certain. Donc pour moi, il est dans une attitude irresponsable. Et si le 18 juin, nous avons une Assemblée nationale avec une majorité parlementaire de droite, vous saurez vers qui se tourner. on retient. Et puis alors moi, je vais terminer avec mon top et mon flop. Mon flop, c'est pour la violence de cette campagne électorale finalement et qui nous a beaucoup fatigués. C'est dommage parce qu'on a oublié d'évoquer justement, on parlait tout à l'heure, les questions d'environnement, d'emploi. On pourrait dire, il y a plein de thématiques comme ça qui n'ont pas été, malheureusement, le terrorisme également, les questions de culture aussi qui n'ont pas vraiment été évoquées, qui n'ont pas été débattues. Et ça, c'est dommage parce qu'une élection peut comme ça se transformer en malentendu. On verra, on laisse toutes ses chances, bien sûr, à Emmanuel Macron. Et puis mon top, c'est pour la rencontre que j'ai fait avec plusieurs autres jeunes mardi de Patrick Kanner, le ministre de la Jeunesse. On a pu échanger avec lui pendant une heure. Ça a été un bel échange, une belle réflexion sur la jeunesse, sur son mandat, voilà, sur ses réussites, ses erreurs. On l'a interrogé sans. Quelles erreurs On lui a demandé justement, à son sens, quels étaient ses regrets, quelles étaient ses réussites. Il regrettait notamment que finalement son action n'ait pas été assez bien reçue, assez bien perçue par la jeunesse, et qu'il regrettait l'absence d'une grande mesure universelle pour la jeunesse qui aurait pu fédérer en fait la jeunesse au cours de ce mandat. Ça aurait été soit le droit de vote à 16 ans, soit un revenu universel. Voilà, il regrettait qu'il n'y ait pas eu une grande mesure comme ça. Voilà, mais il a parlé de ses réussites bien évidemment aussi. Voilà, donc c'était un bon moment où voilà, on a de façon très objective, on a dit ce qui était bien, ce qui était moins bien. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci à toi, Nathan Burland, d'avoir été notre invité. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur Web7 Radio. Bon week-end et bonne semaine. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis 19-20h. Web7 Radio. On se retrouve vendredi 19h pour Apprendre ou à débattre.